m'en connais comme un roi et ta reine. Lila porte à moi en l'air même. Plio, plio, nous l'est, mon paradis trop petit. Plio, plio, nous l'est, mon paradis trop petit. Mes titres oubliés. Soyons pire, ça te porte sur l'île en bas loin. Soyons pires, ça pose au lit la maman. Le temps tarzé à blinguer, cause mon doux.